Pris sur le vif. Écoutez. Oh, c'est grandiose! Oui, on se sent vraiment tout petit. Ces cathédrales gothiques, on ne se lasse pas de les contempler. Depuis, on n'a rien fait de mieux. Répétez. Oh, c'est grandiose! Oui, on se sent vraiment tout petit. Ces cathédrales gothiques, on ne se lasse pas de les contempler. Depuis, on n'a rien fait de mieux. Écoutez. Comment trouves-tu ce tableau? Génial. Et toi? Moi, je n'aime pas du tout ce genre-là. Ah bon? Pourquoi? La peinture abstraite ne me plaît pas. Répétez. Comment trouves-tu ce tableau? Génial. Et toi? Moi, je n'aime pas du tout ce genre-là. Ah bon? Pourquoi? La peinture abstraite ne me plaît pas.